Moi j'ai les DiMarzio, j'ai la Strat Signature Miles Team. Et donc moi je tiens à faire entendre que c'est une Strat qui sonne bien quoi. Et pour ça je mets pas de pédale. C'est du son direct. Moi tu reconnaîtras toujours mon jeu parce que moi je mets le jeu en avant plutôt que les effets. Écoute, essaye de jouer finement. Je sais pas quand tu as un réglage parce que moi, mon seul effet, c'est le bouton de volume. Donc, quand je veux jouer moins fort, que je fais de la rythmique, je passe à 6-7 sur la strat et puis elle a un petit son crunch, et puis c'est tout. Hein, donc, puis quand je monte le volume, ça donne l'impression que ça sature un peu, mais ça sature pas tellement, quoi. C'est simplement parce que je joue avec un médiator 3 mm, je joue gros, quoi, et puis je tape fort. Et donc moi je donne du son sur les cordes. Hein. Moi je veux qu'on entende le son des cordes. Hein. Moi entendre le son des effets, non. Salut Titi. Bienvenue sur ce Sound Nimbot. Ah bon? T'as fait quoi avec Guitar Cad? Oh bah tu t'emmerdes toujours avec tes histoires de logiciels toi. Bah, fais écouter. Fais écouter si ça ressemble à quelque chose. C'est du Jimmy Sinclair comme on aime bien ou du bon crunch. Life giving waters take up for granted. They quietly understand. What's happened to what's happened? But wonder why the pain is on. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le son est bon, j'aime bien. C'est crunch à souhait. T'es avec la Gibson là? Parce que j'ai pas senti le feeling d'une Strat ça. Tu joues avec quoi là? Ta Gibson? Ah ouais. Bon, elle n'était pas très claire ta strat, alors ton réglage il est pas bon sur Guitar Rig, donc Guitar Rig, je te confirme, c'est de la merde. Une strat, c'est flûté, c'est monte dans l'aigu, parce que je sais qu'avec la Gibson, t'arrives à avoir des sons à peu près équivalents, mais putain. Et ben ça manque de flûté. Et maintenant à savoir si t'as pas de la latence quand tu joues. Et toi, t'as de la latence, ça gêne dans le jeu. Parce que si ça sort pas en même temps que ça sort au bout des doigts, toi, ça fait bizarre ça. Et bah, toi, bah, moi, Guitar Rig, ça m'impressionne pas du tout. Hein. Je préfère bon Marshall GTM 45, au moins ça sonne ça. Et ça sonne sans latence. Tous ces softs là, ça fait comme si, ça fait semblant, mais ça ressemble, mais c'est pas ça quoi. Si en plus t'as le problème de la latence, moi je perdrai pas mon temps là-dessus. Si tu l'as pas acheté, tant mieux. Si tu l'as acheté, t'as fait un investissement pour rien. Ah ouais, bon, ok, ouais, si c'est piraté. Mais bon, toi, le résultat, c'est. Ça s'approchait, mais toi, j'ai pas. Comme je disais tout à l'heure à Zig, on parlait de son, là. On reconnaît pas le caractère de la gratte. C'est ça qui me tue, quoi. C'est qu'avec tous ces effets, ces logiciels, là, on n'arrive pas à reconnaître le grain d'une Strat. Et moi, j'aime bien entendre une Strato, une Gibson. Une Telecaster, chacune a son grain, et en fait tous ces effets, tous ces trucs numériques, ça bouffe le jeu, et si vraiment, moi les effets c'est dans la main, hein, c'est pas en mettant des pédales, donc on reconnaît plus les grattes maintenant. Quel monde moderne de merde. Ton pod et puis que tu passes avec un pod c'est moins pire. Je sais pas moi combien il te met Reaper de latence. Alors si t'accumules la latence, le joueur est déjà Reaper, moi il met 4,8 millisecondes. C'est peu, mais c'est quand même un petit délai quoi. Donc plus 10 millisecondes sur tes effets, allez 50 millisecondes sur tes trucs, bientôt tu vas jouer une note, elle va sortir une seconde après. Ah bah je suis meilleur que toi. Moi il fait 4-8 parce que moi Reaper je m'en sers juste d'interface avec Nimbot, je me sers de rien d'autre dessus quoi, j'ai rien programmé pour faire autre chose. Donc ça fait 4,8 millisecondes chez moi. En 48 kHz 24 bits. tu peux essayer de le passer en 48 kHz, parce qu'il marche mieux. Reaper, j'ai remarqué, j'ai essayé les deux, et il vaut mieux avoir la meilleure bande passante possible. Et il marche mieux en 48, j'ai trouvé. Ouais, ben, c'est ce que j'ai fait. Je te dis, moi, les chiffres, j'ai essayé de faire baisser au maximum la latence. Et puis sur le driver ASIO, j'ai mis 128 buffers, c'est tout. J'ai réduit au mieux que je pouvais avec mon ADSL où ça fait pas de clic. Et en réduisant les buffers, bah, tu arrives à réduire le temps. Maintenant, si tu utilises ASIO All, tu as juste à cliquer sur l'icône en bas là, sur l'icône vert là. Ah, tu utilises ces ASIO de l'INSIS? Carte son extrême, d'accord. Ouais, bon, moi, elles sont pré-réglées, hein, ils ont leur buffer. Parce que moi, j'utilise ASIO All V2 là sur mes cartes son. Et donc, tu as des petits réglages de buffer. Et donc, moi, je les ai réduits le plus petit, quoi. En entrée en sortie, j'ai mis à 0. Et puis, les buffer size pour l'ASIO, ils sont impossibles. J'ai fait un système à 48 kHz. Tout à l'heure, parce qu'il me dit qu'il utilise un overdrive sur le disto. Je crois qu'il est c'est clair. Ouais, quoi. Là, ça sonne bien clair, quoi. Flûté bien clair. Oh putain, je vais avoir de l'orage chez moi, il va falloir que je coupe là. Oh là là. Deux coups. Je vais pas prendre le risque, hein. Je vais couper parce que quand il y a des orages ici sur la montagne, ça me fout tout en l'air, moi. Ouais, ça, j'en ai pas pour longtemps. Je reviens dès que c'est passé, mais là, il est tombé deux gros trucs là. Ça donne la chair de poule. Là. Voilà, donc on va laisser passer ça. Oh putain, ça sonne, ça résonne en plus.